radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Zikactu. Et ce soir, nous allons parler d'actualité, mais d'actualité un peu lointaine. On va parler de musique aussi, évidemment. On va parler en fait de la programmation estivale, de ce qui va se passer cet été et dans les mois à venir. Nous sommes actuellement en mars, mais cette émission sera rediffusée en juin. Donc il y aura juste un petit passage sur un concert qui aura lieu début avril. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui nous écoutent en juin, ça sera directement pour vous dans 3 petites minutes. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Charlotte. Bonsoir. Salut Charlotte, et du coup merci d'être venue et d'avoir répondu à l'appel pour nous présenter donc la programmation de cet été, et pas seulement d'ailleurs. Donc toi, tu travailles à la communauté de communes Valérieux. Voilà, je suis la programmatrice, la chargée de mission culture. Et là, j'ai fait un petit échantillon de ce qui se passait en musique, mais sinon, on programme des spectacles un peu dans toutes catégories, art de la rue, cirque, théâtre, danse, voilà, lecture. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais là, j'ai fait un petit condensé de ce qui va se passer en musique entre avril et août. Super, bah parfait, merci. Et du coup, sur les communes du bassin, alors comment ça se passe? C'est autour du Chélard essentiellement? Chélard, la Mastre, c'est peut-être pas concerné? Alors non, pas la Mastre, Saint-Agrève. En fait, la commune la plus au nord, c'est Saint-André-en-Vivarais. Au plus au sud, c'est Saint-Pierre-Ville et Samoulins. D'accord. Donc il y a 34 communes en fait dans Valérieux, donc ça fait un territoire assez gigantesque. D'accord, et beaucoup de programmation donc variée. Voilà, 2-3 spectacles par mois que vous pouvez retrouver sur www.valérieux.fr. Ok, super. Eh ben écoute, on commence tout de suite. Alors là, nous sommes actuellement le 29 mars. Si vous réécoutez la rediffusion du jeudi matin, ça sera donc le 31 mars. Il vous reste donc plus que quelques jours pour aller voir un spectacle le 2 avril à la salle de la Chapelle au Chélard. Mais quel est ce spectacle? Alors ce spectacle, c'est un spectacle musical qui s'appelle Léo 38, qui est proposé dans le cadre des petites envolées du théâtre de Privas et d'un partenariat avec le Train Théâtre de Portes-les-Valences. Donc c'est Monique Brun qui est une comédienne qui chante les textes de Léo Ferré et qui le raconte voilà, en puisant dans des entretiens et dans les textes de ses chansons. Donc cette légende de la chanson française, elle fait comme une confidence en fait à son public. Voilà, elle s'inspire d'un recueil qui s'appelle « Vous savez qui je suis maintenant ». Donc il y a 2 dates, il y a le samedi 2 avril à la salle de la Chapelle à 20h30 au Chélard, et le lendemain, le dimanche 3 avril, à Saint-Jordan-d'Or, au Temple, à 17h30. D'accord, donc on est un peu à mi-chemin entre le théâtre, la musique. Voilà, c'est vraiment centré sur les textes, plus que sur la musique, mais vraiment voilà, la façon d'écrire de Léo Ferré, et comment il se raconte, lui, à travers ses chansons. Et voilà, c'est pour du tout public à partir de 14 ans, c'est 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans et ça dure une heure. Ok, super. Bah, ça me rappelle un peu le côté biographique, me rappelle un peu Padam Padam que j'avais vu à la Chapelle. Tout à fait. Donc j'imagine que c'est toi aussi qui étais derrière la programmation. Voilà. Et bah, c'était super, c'était vraiment super chouette. Je connaissais pas, j'ai même d'ailleurs paumé son nom, l'auteur, le compositeur dont ça parlait essentiellement. Question piège. Ah ouais, le mec dont tout le monde connaît la musique mais dont personne connaît le nom. Glansberg, Norbert Glansberg. Incroyable, bravo, quel professionnalisme. Super, en plus je te piège dès le début de l'émission, je suis désolé. Je reviendrai jamais. Je comprendrai. Donc ça c'est pour le week-end prochain, donc c'est-à-dire le 2 et le 3 avril. Et maintenant on fait un grand bond dans le temps et on arrive le 29 juin. Donc pour ceux qui écoutent cette émission en juin, ça y est, on parle de vous et on parle de votre été. Voilà, alors ce qu'on vous propose c'est un concert chanson, un spectacle qui s'appelle Rue Bateau. Rue Bateau, en fait, c'est Patrick Ingnaud, un auteur-compositeur-interprète qui propose un spectacle à la frontière de la musique et du théâtre. Donc, on propose souvent des esthétiques qui sont à cheval. Voilà. Moi, j'aime bien les mélanges. Ouais, c'est chouette. Non, c'est... Donc voilà, ce Rue Bateau, il nous emporte dans un univers de fantaisie et d'humour absurde. C'est un spectacle de chansons un peu timbrées, mené par un artiste touche-à-tout. Et pour cause, Rue Bateau, dans le langage musical classique, ça veut dire « mouvement libre ». Et voilà, c'est un poète amuseur sonore, il invente, il grimace, il chante, il joue du piano, de la batterie, du sax, c'est hyper varié. Voilà, moi j'ai vu 3 fois ce spectacle et il me plaît toujours autant. Il fait des crêpes en jouant du piano. Enfin voilà, c'est ah oui, quand même, une belle performance. C'est complètement fou. Et voilà, il emprunte à la folie de Bernard Luba et à l'espièglerie de Bobby Lapointe pour vous donner un peu l'univers. D'accord. Et il est seul sur scène. Ouais, c'est un solo et ça aura lieu à la salle des arts et des cultures de Saint-Agrève, donc le mercredi 29 juin à 20h30. Et pareil, c'est tout public. 5 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 16 ans. Ça, c'est le tarif habituel de la saison culturelle. Voilà, en fait. C'est hyper accessible. C'est sûr, ouais. C'est vraiment rien, quoi. Non, c'est super. Et ben ça, on va en profiter pour écouter. Donc, c'est Patrick Inguenot. Et on va écouter un titre qui s'appelle Mon Ombre pour découvrir un peu son univers. Si chaud, on avait ôté les maillots. Qu'on était beau. Vous me glissiez à l'oreille. C'est drôle. Oh, on est comme Adam et Ève. C'est drôle. Oh, comme dans le jardin d'Éden. C'est drôle. Je lui chante en allemand. I won't play music, I just want melody. On a play music, funny melody. Yes, I'm so crazy. Yes, I'm so crazy. Five, four, on a toujours le petit chant des oiseaux pour finir ce titre de Patrick Inguenot, et ça m'a l'air tout à fait barré comme histoire. Mais bon, très bien, ça a l'air très drôle en tous les cas, faudra voir ça. Donc tu nous disais que c'était le mercredi 29 juin. D'accord, 29 juin à Saint-Agrève. Voilà. Merci bien. Et ben écoute, moi je vais en profiter au fil de cette émission pour placer un peu de pub à droite à gauche pour d'autres projets qui sont pas chapeautés par la Comcom. On commence tout de suite avec le 2 juillet aux Nonnières. Alors ça, je pense que on vous en parlera plus particulièrement dans l'émission Au fil des mots, parce que du coup c'est une spécialiste des Nonnières qui pourra vous présenter ça. Mais quand même, j'en touche un mot parce que les deux groupes sont intéressants et c'est des groupes que j'apprécie aussi. Alors on a déjà Hype Light. Ça c'est un groupe que moi j'avais vu à Vals-les-Bains, alors ils doivent être de Valence, quelque chose comme ça. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, c'est punk rock un peu, c'est vachement bien. On écoute tout de suite Gone to Perdition, c'est extrait de leur dernier album qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire en 2016. Donc on écoute tout de suite Gone to Perdition de Hype Lights. Yeah. Vous écoutez toujours Zik Actu, on parle toujours de votre programmation estivale et je suis toujours en compagnie de Charlotte. Ça va Charlotte ? Toujours. Super. Tu connais ça, E-Plight ? Non, découverte. Et bah ouais, c'est chouette, ça vient de Valence et vraiment c'est un super groupe. Il y a un autre groupe dont Nico, l'animateur principal de RDB parle toujours, c'est Crystal Pulse. Alors eux, a priori, sont du coin aussi. Alors dans le détail, je pourrais pas dire exactement d'où. Mais en tous les cas, ce sera le deuxième groupe qui jouera aux Nonnières le 2 juillet pour la fête du village. Et donc on écoute tout de suite Crystal Pulse, le titre Trouble Mind. Tonight, I can't find a sleep. I was looking for words. C'était Crystal Pulse, un groupe bien rock'n'roll. Je pense que ça aura fait plaisir à Nico que je passe ça. En tous les cas, c'est un super groupe et moi je serais content d'aller les voir aux Nonnières le 2 août. On continue un petit peu notre dans l'année, on avance un peu dans l'été, il fait de plus en plus chaud. Et on arrive mi-juillet pour le bal itinérant. Mais qu'est-ce donc le bal itinérant ? Alors le bal itinérant, c'est une formule un peu nomade, c'est de la musique trad à danser. Ça fait la cinquième année qu'on propose cette formule, donc c'est un principe simple. C'est retrouver un peu les bals de village d'antan. Avec un groupe de musique trad à danser, donc des danses d'Irlande, des Appalaches, d'Italie, d'Europe de l'Est. C'est hyper varié et c'est un parquet de danse couvert d'une tente et des places de village. Ça, c'est les ingrédients du bal itinérant. Il y a des pizzas aussi, hein, si je peux me permettre. C'est hyper important. Non, en fait, le matin, les musiciens arrivent, installent le plancher de danse et la tente. À 19h, ils ouvrent... Une petite roulotte avec des pizzas confectionnées sur place et cuites au feu de bois et qui font avec les ingrédients des producteurs du village où ils s'installent. De toute façon, c'est... Et franchement, elles sont bonnes. Moi, j'ai goûté ça l'année dernière et les producteurs de Jonac, c'était très bien. Voilà, avec le chèvre de là-bas. Tout à fait. Et du coup, le bal commence à 21h et se finit jusqu'à ce que les gens dansent plus, donc des fois jusqu'à 2h du matin. Et c'est vraiment des bons musiciens et c'est une proposition qui est hyper familiale, ouverte à tous et c'est gratuit. Pour ceux qui dansent pas vraiment, qui savent pas vraiment danser, c'est super agréable parce que c'est accessible à tous en fait. Ouais, moi-même qui suis une piètre danseuse, et bah de même. J'ai réussi à danser parce qu'en fait il y a France qui explique les danses, elle a un petit micro. Et elle explique bien les pas, et du coup, ceux qui savent danser montrent à ceux qui ne savent pas. Enfin, voilà, elle est super forte, ouais. France ouais. Vacher, qu'on salue, et vraiment qui gère tout ça, et qui chapeaute tout ça, et qui a vraiment un talent de pédagogue sur le moment. Quoi. Elle arrive à te transmettre la danse pendant même qu'elle commence. Quoi. Ouais. Elle arrive même à faire danser les élus des villages où on va. Et ça, c'est fort. Ça vaut le coup d'œil. Non, c'est vraiment super, c'est vraiment quelque chose à faire, le bal itinérant. Tu peux nous situer un peu où ils seront, parce que du coup, ouais. Ils marchent d'un village à l'autre. Hein. Voilà, donc si vous les croisez sur les routes, ils ont une petite roulotte tractée par... Donc ils ont deux roulottes tractées par deux tracteurs. Et donc ils roulent à 10 à l'heure. Et ça, c'est vraiment roulotte à la conquête de l'Ouest, quoi, à l'ancienne. La conquête de l'Ardèche. Voilà. Donc les dates, c'est du 17 au 22 juillet. Alors ça va commencer à Saint-Christol. Le dimanche 17 juillet. Ensuite, ils seront au Chambon le mardi 19 juillet. Ensuite, à La Rochette le 20 juillet. Le jeudi 21 juillet à Saint-Jean-Roure. Et le vendredi 22 juillet à Devecé. Alors, il se peut qu'avant et après, il y ait des dates, mais je ne les ai pas. Moi, j'ai juste celles sur Valérieux. Mais voilà, ils tourneront peut-être un petit peu en dehors de la communauté de communes aussi. Voilà, de toute façon, vous aurez... Il y aura des petites plaquettes qui circuleront, donc vous pourrez retrouver... Et puis sur Internet, vous tapez bal itinérant Ardèche, ouais. Et puis vous tombez sur toutes les infos. Ouais. Ce qu'on entend derrière, c'est donc eux. C'est pour vous plonger dans l'ambiance du bal itinérant. Ça a l'air bien, hein. Voilà, même les enfants dansent. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours les ados du coin qui sont à 300 mètres. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, ils y étaient à Jonac, je m'en rappelle. C'est les mêmes, peut-être. Au début, c'est un peu curieux. Puis à la fin, ils se retrouvent à danser sur le plancher avec tout le monde. Enfin, voilà, Et puis, ce qui est bien, c'est que ça couvre un peu plein de champs de la musique trad, en fait. C'est pas que la musique trad d'Auvergne ou d'Ardèche. Ouais, c'est un voyage autour du monde. Ouais, avec plein de danses différentes, c'est vraiment chouette. Donc le bal itinérant du 17 au 22 juillet. C'est ça. Dans la communauté de communes en tout cas. Et ça c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc on peut manger sur place à partir de 19h. Et à 21h ça danse. Et voilà. Et en plus ce qui est bien c'est que du coup le plancher est couvert. Donc même s'il pleut, le spectacle a lieu. Il n'y a pas besoin de lieu de repli. C'est pour ça qu'on peut aller dans des villages où il n'y a pas forcément d'infrastructures et de salles. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que ça va vraiment dans tous les villages, ouais. Les petits villages. Et bah super, écoute, y aura quand même de la concurrence exactement en même temps, mais l'avantage c'est que ça sera, voilà, il y aura plusieurs dates aussi. Je veux parler du groupe Kitchen Irish, c'est-à-dire un groupe dans lequel je joue de la guitare. On avait fait une petite tournée pendant une semaine l'été dernier et on voudrait réitérer l'opération cet été. Donc on est en train d'organiser tout ça. A priori, ça aurait lieu entre le 14 et le 20 juillet, donc de la musique irlandaise. Là, c'est pas encore tout à fait bouclé, donc je peux pas vous donner toutes les dates tout de suite, mais vous pouvez déjà réserver une date parmi toutes ces dates-là et puis nous retrouver quelque part en Ardèche, un peu dans le même coin, hein, de toute façon. Je vous propose du coup un petit instant autopromotion. On va écouter le dernier enregistrement en date de Kitchen Irish, donc c'est de la musique irlandaise traditionnelle. On écoute Skyboat Song suivi de Cooney's Reel. Thank you. C'était Kitchen Irish, donc c'est une prise live. Moi, je vais laisser un peu en fond, tiens, pour la suite. Que se passe-t-il ensuite ? Alors, ensuite, on a pour la deuxième année, on a un partenariat avec Lamastrock, donc label et tourneur de musique du monde notamment, qui est à Lamastre et qui organise un festival qui s'appelle Terra Tempo sur un peu centre Ardèche, Nord Ardèche. Enfin voilà, là aussi c'est ça se passe aussi en dehors de la communauté de communes, mais du coup on a la chance voilà cet été pour la deuxième année d'accueillir 3 dates. Alors, du coup, 3 dates sur la Comcom, mais du coup, il y a plein d'autres dates autour de la Mastre, en fait, c'est ça ? Voilà, et puis, peut-être même jusqu'en Drôme, voilà, ça tourne pas mal. Du coup, pareil, sur Internet, sur Terra Tempo, sur la Mastre Rock, vous trouverez les autres dates. Moi, je vais vous parler des 3 qui se passent sur le territoire. Donc, ça commence le 24 juillet, qui est un dimanche chez nous, à Saint-André-en-Vivarais, avec un groupe qui s'appelle The Two. Et c'est un duo de blues, deux guitares, l'un est mauricien, l'autre est suisse. Et c'est un peu l'étoile montante, ils commencent à bien tourner partout, je suis très contente qu'on les reçoive. Ça a l'air super bien, ouais. Moi j'ai écouté un peu, ça avait l'air très très chouette. Et puis ils ont une patate quoi, on sent qu'il y a une énergie qui a l'air très communicative, en tous les cas déjà en vidéo, donc à mon avis ça doit être impressionnant en live. Et alors du coup, on va en profiter pour écouter un peu. Je ne sais pas si tu veux présenter un peu plus. Non, écoute, moi je vous invite juste à venir. Voilà, l'année dernière, on a fait 3 concerts dans des endroits. Par exemple, à Issa Moulin. Donc, il y a 99 habitants, il y a eu 150 spectateurs. Ah oui. On était dans un petit écrin de verdure et c'est vraiment des ambiances... hyper intimiste, les artistes sont très contents d'être là parce qu'ils sont pas dans des grosses machines de festival ou dans des salles. Là, c'est sûr que Saint-André, de mémoire, c'est moins de 100 habitants aussi, hein. Saint-André c'est tout petit. Hein. Ouais, du coup, ça change pour eux, c'est vraiment un accueil particulier, ils sont contents de pas être dans une salle de concert qui est un peu anonyme. Là c'est un vrai accueil, il y a toujours une petite asso locale qui fait la buvette après le concert, il y a toujours un moment de convivialité où les artistes sont hyper demandeurs de rencontrer le public. Et voilà, c'est vraiment une expérience à vivre que je vous invite à partager cet été. Et bah chouette. Et le groupe a l'air vraiment bien, c'est The Two. On écoute tout de suite le titre Promise. I've been calling on your phone for times, every hour. Hope that you call me back. Hope that you call me back in the evening. Hope that you give me your sign. Well, I've been waiting by my phone all day and night. Oh, that you give me a sign. Stand by my phone from day to dawn. Hope that you come back home. But you don't. And you won't hear my calls. I'll give you money. I will be honey, you'll be my only. I'll be the sweetest lover, but you don't, and you won't, and I will. I'll give you money. I will be honey, you'll be my only. I'll be the sweetest lover, but you don't. Promise. is not meant for you. I promise, promise, promise. Promise, promise, promise. Promise, promise, promise. I promise you I'll change my way. Merci du coup pour cette découverte au passage, parce que c'est moi j'aime beaucoup ce groupe The Two, qui sera donc en concert avec en partenariat avec Lamastrock. Redis-moi où c'est, j'ai tout oublié. À Saint-André-en-Vivarais, ah bah oui, le dimanche 24 juillet à 21h. Ok, et donc tu disais qu'il y avait trois dates. La deuxième, c'est le mardi 26 juillet, donc voilà, ça enchaîne bien. Ce sera à Saint-Pierreville à 21h également, et ça s'appelle Radio Babel Marseille. Donc ça, c'est un quintet vocal atypique qui travaille beaucoup sur les polyphonies. Voilà, ils se définissent un peu comme une tour de Babel. Du coup, il y a les langues espagnoles, arabes, occitanes, swahili, bambara et françaises, avec des rythmes de beatbox, du groove méditerranéen. Enfin, c'est un vrai voyage. C'est un appel au large. C'est a cappella, c'est des évocations d'ailleurs, c'est vraiment chouette, et voilà, ce sera à Saint-Pierreville. Ok, et ben on va écouter tout de suite pour se faire une idée un peu plus précise. Enfin déjà, c'était bien précis, c'est pas ce que je veux dire. Alors on écoute Amor de Radio Babel Marseille. On gère les ruelles de Marseille qui serpentent vers la mer. Le soir quand l'heure est douce, pour les yeux d'une gazelle qui me rappelle des ailleurs, ailleurs, ailleurs, ailleurs. Amor viajero, extranjero, cittadino del mundo. Amor viajero, vagabundo, cittadino del mundo. Oso romane besse caloi, adonca tonke le wo. Seguia neye neye neye, suina muro bene bifei. Attende kumara meina fama, da fama, fama, fama, fama, fama. Amor viajero, estrangero, cittadino del mundo. Amor viajero, vagabundo, cittadino del mundo. انا جوا انا نمشي في بلاد البلاد انا جوا خلوني نعيش طالب الخير لهنا ويا حباب انا جوا خلوني نعيش انا جوا نمشي في بلاد البلاد انا جوا خلوني نعيش طالب الخير لهنا ويا حباب انا جوا خلوني نعيش Amor, viajero, vagabundo, cittadino. Un, dos, tres. Amor, voy cantando, amor, y voy gozando, amor, y por el mundo, amor, amor, amor, amor, amor, oh África, amor, oh por Cuba, amor, con mi barco, amor, amor, amor, amor, amor, y kiri, amor, sabra, bara, bara, bara, bara. C'était Radio Babel Marseille. Tu peux juste nous redire où ils jouent, s'il te plaît? Oui, à Saint-Pierreville, le mardi 26 juillet à 21h. Ok, et eh ben super. Voilà, donc j'ai pas précisé, mais donc tous ces concerts, c'est en extérieur. C'est gratuit. Et voilà, avec la petite buvette et petite restauration sur place. Après le concert. Ça, c'est chouette. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà pour toute cette programmation et puis pour tout le boulot fait pour faire vivre le coin. Parce que c'est. Moi, ça, quand je suis arrivé ici, j'ai été tout de suite impressionné par la saison culturelle. Je me rappelle, je crois que la première semaine où j'ai déménagé, le samedi soir, il y avait un spectacle de théâtre d'impro. Et j'avais halluciné parce que déjà, c'était gratuit. Et qu'en plus, à la fin, on te payait à boire tellement. Et on te payait à manger aussi. Il y avait des trucs à manger et tout. Bon, alors, c'était. Voilà. C'est super, en tous les cas, cette saison culturelle. Alors, c'est plus tout à fait gratuit, mais presque, quoi. Ouais, voilà. Et il y a par contre toujours ce petit moment convivial après. En fait, toutes les communes où on va offrent un pot à la fin du spectacle pour que le public rencontre les artistes. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur. On met dans la saison, voilà, qui est ce moment de convivialité. Et ouais, voilà, donc rien que pour 5 euros, le petit verre de clairette à la fin, là, qui fait plaisir. Moi, je vous le recommande vivement. Écoute, si tu veux bien rester encore un petit peu, il nous reste... Et puis j'ai un dernier concert à présenter. Oh, j'en ai raté un. Ah, parce qu'on n'avait pas le même ordre. Moi, Radio Babel, c'était le troisième. Oh là, je suis désolé. Non, voilà, juste pour finir les trois dates de Terra Tempo. Donc la troisième, c'est le 5 août. Qui est un vendredi soir et ce sera à Saint-Andéol de Fourchade. Et c'est un duo, c'est Shérif Soumano et Sébastien Gignot. Sébastien Gignot, c'est un musicien de guitare acoustique et de violoncelle. Et Shérif Soumano, c'est un maître de la kora. Et ils se retrouvent en duo pour un dialogue entre jazz et musique africaine. Et ça va être dans un écrin de verdure, ça va être un chouette moment aussi. Eh ben merci beaucoup, excuse-moi, je voulais surtout pas te mettre à la porte. On écoute ça tout de suite du coup. On écoutait Shérif Soumano et Sébastien... Gigno, merci parce que je n'ai pas écrit sur l'écran. Heureusement que tu es là. Merci Charlotte pour nous avoir présenté toute cette programmation, c'est super chouette. Et ouais, non, il y a vraiment plein de choses à faire cet été. Et évidemment, on ne parle pas de tout, il y a plein de trucs, il se passe plein de trucs en été ici. C'est ça qui est génial, c'est qu'avec l'arrivée des touristes, il y a l'arrivée des concerts et il y en a à peu près tous les soirs. Si vous avez une voiture et que vous vous déplacez un peu, vous pouvez facilement entendre de la musique live tous les soirs. Tous les cas, l'été dernier, c'était ça. Je doute pas que cet été, ça sera aussi ça. On écoute, si tu veux bien rester, donc pour la fin de l'émission. Je vais en profiter pour en parler d'autres groupes. Je vais faire un peu de promo pour des élèves et des amis donc de la Mastre qui s'appellent les Radioactive Voices et qui vont jouer au camping de la Mastre a priori tous les samedis. Et aussi pour les Jeudis de la Mastre. Alors c'est l'occasion de parler des Jeudis de la Mastre. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, tous les soirs, il y a moyen d'entendre de la musique. Il faut se renseigner un peu. Je crois qu'il y a les mardis à Prenles, il y a les mardis et les jeudis à la Guinguette de Saint-Sauveur, il y a les vendredis à la Grivoise, et il y a les jeudis à la Mastre, où c'est quand même des belles scènes, une belle scène et une belle programmation aussi. Et il y aura notamment donc Radioactive Voices. On écoute une reprise de Barcelona, des Plasticines, si je dis pas de bêtises, par Radioactive Voices. C'était les Radioactive Voices, donc que vous pouvez voir à la Mastre cet été au camping et sur la grande scène des Jeudis de la Mastre. Un peu pêle-mêle comme ça, je parlais des mardis. Les mardis, il y a un truc très très bien aussi, ça s'appelle les apéros jardinatoires, c'est à Saint-Jean-Chambre, je sais pas si tu connais Charlotte. Non. Alors ça c'est plein de trucs à découvrir, peut-être plus confidentiel, mais franchement c'est à faire, c'est un espèce de petit marché le soir, les mardis soirs, avec plein de producteurs et un concert voilà, organisé par l'association La Source. C'est à Gamard, à côté de Saint-Jean-Chambre, et c'est super bien. Voilà, ils font une programmation tous les mardis. Il y a Marie Café aussi à la Pra, donc en partant sur la Mastre, entre le Chélard et la Mastre, plus près de la Mastre, qui fait plein de concerts aussi. Il y a la Grivoise à Saint-Agrève, enfin voilà, il y a plein de choses. Et il y a la Forge, on va finir par le groupe local qui cartonne, c'est In The Can. Je dis ça parce que je les ai vus vendredi dernier à la Forge, et j'ai trouvé ça super bien. Donc In The Can, c'est un groupe de Saint-Martin-de-Valamas, donc la Forge étant à Saint-Martin-de-Valamas, je ne l'ai pas dit. Et ils ont joué aussi à la Cour, au Château La Cour, à Saint-Agrève le samedi soir. Et c'était super bien, franchement c'est un super groupe. On écoute un extrait de leur dernier EP, ça vient de sortir, c'est sorti vendredi dernier. Et on écoute le premier titre, Sally, I Feel Alright, c'est aussi le titre avec lequel ils ont ouvert leur concert. Et ça fait bien danser pour finir cette émission. C'est parti, In The Can. Time. She doesn't understand that I feel alright. Standing by the doorway, she's gonna leave me soon. Make me freeway for a lazy afternoon. Voilà, c'est le petit son de la fin qui nous fait dire que c'est déjà l'heure et qu'il faut rendre l'antenne. Merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir. C'était un plaisir de présenter cette émission avec toi et de découvrir toute cette programmation. Je reviens un tout petit peu sur le groupe d'avant. En fait, c'est un groupe qui habite maintenant à Paris, mais qui est d'origine de Saint-Martin. Et du coup, on a oublié de parler du Festival de Saint-Martin, qui est quand même un gros événement. Ça se passera toute fin juillet et tout début août. Et voilà, Saint-Martin de Valamas, le village des musiciens. Et il y aura plein de concerts pendant une bonne semaine, a priori. Donc vraiment, voilà, encore un autre festival et encore de la musique en live à aller voir et entendre. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures musicales. Et encore merci à toi, Charlotte. Je t'en prie, à bientôt.